Radiomatique. deux artistes ukrainiens se joignaient aux électronistes pour ouvrir la transmission 051 de l'émission Audiomatique. Leonid Zdanov et Pavlov Storonsky incarnant respectivement les projets Cloud Roads et Tine ID ont collaboré pour composer Drama Oceana, une pièce exclusive à la compilation Emerging Organism Volume 5 produite par l'étiquette de disque Timpanic Audio. Vous êtes toujours les bienvenus à Audiomatique, que vous soyez attentifs ou distraits, que vous soyez intéressés ou intolérants, que vous soyez assidus ou de passage. Les électronistes sont toujours inclusifs, peu importe les auditeurs. Nous n'avons pas d'ego ni de prétention. Notre prise de parole n'est jamais personnalisée. Elle n'a de but que de vous tenir informé sur la teneur de ce qui est entendu, sans plus ni moins. Il est donc de notre devoir de vous révéler que ce qui suit à Audiomatique est le groupe Errors. Audiomatique, il s'agissait du duo français Ous de Raquette, formé de deux proches collaborateurs des formations Hair et Phoenix. Ils nous présentaient la chanson Chorus de leur deuxième album, Alesia. Et ce court segment débutait avec le groupe écossais Errors et leur composition Pleasure Palaces de leur album Have Some Faith in Magic. À Audiomatique, le compositeur Philip Munch, accompagné par la chanteuse Kyung I Roho, nous offre à l'instant la pièce Structure. Thank you. êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Avant la pause publicitaire, c'était le duo britannique Otaker qui complétait cette séquence musicale de trois pièces avec Run Ripik, une composition se trouvant sur son plus récent album intitulé Exile qui est paru en 2013. Rappelons qu'Otaker offrira une prestation ce vendredi au Théâtre Fairmount à Montréal. Si vous croyez que l'envie vous prendra d'y aller, nous vous conseillons de faire vite car la nouvelle est sortie aujourd'hui à l'effet que les billets s'envolent vite et que le concert sera vraisemblablement à guichet fermé. Précédemment à Otaker, il s'agissait d'une nouvelle pièce du projet australien Snog, soit The Clockwork Man, qui était remixée par Architect. Cette version, ainsi que plusieurs autres, paraissent sur le maxi Cheerful Hypocrisy de Snog. Ce maxi qui représente, présente la pièce titre ainsi que celle que nous avons entendue, annonce la sortie imminente d'un nouvel album intitulé Compliance. Et c'est Philip Munch qui ouvrait le bloc avec sa pièce Structure tirée de son album solo Mondo Obscura. Soulignons que Philip Munch est membre du duo allemand Synapscape. Allons-y cette fois avec l'artiste suédois Adam Beyer à Audiomatic. Thank you. le projet sud-africain Acre Tongue se faisait entendre à Audiomatique avec la chanson Orphans Affinity, tirée de l'album Strange Cargo. Il était précédé par le producteur et DJ suédois Adam Beyer et sa composition A Walking Contradiction, ici remixée par Joseph Capriati. Cette version se retrouve sur la triple compilation 15 Years of Drum Code, qui soulignait le 15e anniversaire de l'étiquette de disque Drum Code, qui a été fondée par Adam Beyer lui-même. La création sonore qui conclura la transmission d'Audiomatique s'inscrit dans un autre registre, davantage dans le courant de la musique concrète. Il s'agit en fait d'une idée de performance audio et visuelle élaborée par l'artiste dadaïste Marcel Duchamp au début des années 1920 sous le titre de « Sculpture musicale ». Sur un bout de papier, celui-ci avait résumé ce que devait être sa sculpture musicale, et je cite « Son durant et partant de différents points et formant une sculpture sonore qui dure. » Partant de là, John Cage, qui est un des précurseurs de la musique concrète et de la musique électronique, a livré son interprétation de la sculpture musicale de Duchamp lors d'une performance en 1987 avec le SEM Ensemble, fondé par le compositeur et chef d'orchestre Peter Kotick. L'enregistrement de cette performance, que nous entendrons dans quelques instants, se retrouve sur l'album « The Entire Musical Work of Marcel Duchamp ». Les électronistes qui vous sont reconnaissants d'avoir passé la dernière heure en leur compagnie et qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain à 17h pour la transmission 052 d'Audiomatique. Entre-temps, vous pouvez écouter l'émission en rediffusion sur les ondes de C'est fou les samedis à 20h et vous pouvez retrouver toutes nos anciennes transmissions sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Ce qui vous donne la liberté de nous écouter quand bon vous semble. Voici donc John Cage avec son interprétation de la sculpture musicale de Marcel Duchamp. Soulignons qu'en présentant cette création, les électronistes désirent faire un petit clin d'œil à tous ceux et celles qui joueront avec les mots dans le cadre du 31e Festival international de la poésie de Trois-Rivières qui s'ouvre ce vendredi et ce jusqu'au 2 octobre. Bonne semaine! Point et formant musical, qui musical, partant de musical son, son durant sculpture. Point et formant sculpture sonore, qui sculpture durant musical, musical. Sculpture sonore, point et formant, et partant de différents points. Qui sculpture musicale, musicale son partant, musicale et formant sculpture musicale, une sculpture de différents points, et musicale sonore, qui dure sculpture. Durant différent, sans durant point, et formant, formant qui dure, durant, sonore, une sculpture sans durant, sculptures son musicales, sculptures sonores, sculptures point, une et partant de différents points, une sculpture sonore, musicale, sonore, de long, musicale et formant sculpture, sonore qui dure, musicale son, et formant une musicale, point et formant musicale, durant une sculpture, durant point, formant et formant, deux sculptures qui, deux formant une, et formant qui dure.